Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Bonsoir. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Vous qui avez les enfants, que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance, merci pour cette réunion. Merci pour nos vies, merci pour nos familles, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour la respiration et merci pour la santé que tu nous accordes. Seigneur, quand le malheur nous arrive, nous ne comprenons pas très souvent ce à quoi tu nous appelles. Je prie au Dieu de gloire que tu nous en donnes l'explication pour chacun de nous. Je prie au Dieu de gloire pour les difficultés. Les obstacles que traversent nos soeurs et frères, que tu leur donnes, Père de gloire, de surmonter avec ta force au nom de Jésus. Et je recommande au Dieu de gloire le cœur de chaque personne ici, notre âme et notre esprit entre tes mains. Que tout l'honneur, la gloire et la puissance te soient toujours à jamais donnés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez donc vous saluer les uns les autres, les unes les autres, et rassurez-vous que vous connaissez le prénom de quelqu'un. Vous dites bonsoir, saluez-vous, saluez-vous. Et vérifiez que vous avez salué tout le monde dans la salle. Vous vous arrêtez seulement quand vous aurez salué tout le monde. Ça va le frère? Ça va? Ça va le frère? Donc, saluez-vous les uns les autres, les unes les autres. Moi, il vous allait tous saluer, non? Que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Il vous allait saluer, les hein? On s'en a salué, non? C'est comment? Bonne arrivée. Ça va? Tu as commencé quand? Hier. Ok, nous allons dire que tu as commencé le jeûne hier, ça finit quand? Vendredi, tu vas marier, tu vois la maison. Voilà, salut tes frères. Oh le frère. Il faut donner la carte mémoire, il faut donner ça à Charlène. Hein. Je sais Charlène. C'est sa carte mémoire. Il y a les enseignements déjà. Tu donnes ça à ton frère, Yannick. C'est ça. Tous les enseignements sont là, tous les enseignements qu'on a déjà eu. N'oublie pas. Toi, tu vas déranger. Je ne sais pas. Vérifiez donc que vous avez le téléphone éteint pour que ça ne sonne pas lorsqu'on va commencer à travailler. Donc, vérifiez que votre téléphone est éteint. Avant qu'on ne commence. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous avez des questions, vous posez. Comme ça, on travaille. Oui, mon cher. Quand vous voulez poser la question, posez la question pour que toute l'assemblée puisse entendre. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais connaître d'après la... Il a baissé la voix, non? Il a baissé la voix. Tu as peur de qui ici? Vas-y, parle comme moi. Tu voulais savoir? D'après la Bible, c'est que la Bible parle de la calomnie. La calomnie. Bonne question. Autre question? Je veux une Bible, s'il vous plaît. Non, si tu prends ta Bible, tu ne vas pas pouvoir lire, non? Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouvrez donc le livre des Colossiens, Colossiens chapitre 3. Donc notez ces Colossiens chapitre 3. Dès que vous avez ouvert, vous gardez le doigt là-dessus. Bon, puisque vous en avez noté, notez aussi Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, les versets 28, 29, 30, 31. Donc le verset 27 à 31 de l'Éphésiens 4. Je vais noter. Donc Colossiens 3, on va y revenir maintenant. Notez le psaume 101. Ça, c'est par rapport à sa question qu'il a posée, d'accord? Psaume 101, versets 1 à 5. Voilà, Colossiens chapitre 3, qui va nous lire cela? Verset 5, qu'est-ce que ça dit? Verset 5 à 10, allons-y. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Oui. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Mmh. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Oui. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mmh. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, oui. À la colère, oui. À l'animosité, oui. À la méchanceté, oui. À la calomnie. Stop. La Bible dit là qu'on renonce à la calomnie. Renoncer, qu'est-ce que ça veut dire renoncer? Abandonner. La question que le frère pose, c'est quoi vraiment d'après la Bible, c'est quoi la calomnie? Je vais d'abord vous montrer quelques passages où on en parle. C'est plein. C'est plein seulement dans la Bible. Alors, voyons d'abord, allons dans le psaume 101 dont je vais donner là. Le psaume 101. On y va. Allons-y, mon cher. Psaume 101. Je chanterai la bonté et la justice. Oui. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Oui. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, oui. Au milieu de ma maison. Oui. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Oui. Je hais la conduite des pécheurs. Écoutez. Elle ne s'attachera point à moi. Oui. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Oui. Je ne veux pas connaître le méchant. Oui. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Stop. Vous avez suivi ce qu'il a dit là? Celui qui fait quoi? En secret. Qui? Ça, déjà, avec ce qu'on a dit de voir dans le livre de Colossiens, chapitre 3, on a dit clairement que là, qu'on doit renoncer, sinon abandonner, se débarrasser de la calomnie. Si on doit se débarrasser de la calomnie, ça suppose qu'il y a une mauvaise chose. C'est une mauvaise gangrène qui se retrouve dans notre comportement ou bien dans notre être. D'accord? Ici, le Saint-Esprit dit qu'il va s'atteler à anéantir ceux qui calomnient en secret leurs frères. Vous remarquez que on a commencé dans le Nouveau Testament sous la grâce. Et sous la grâce, le Saint-Esprit a dit que renoncer aux moyens, de cette façon que vous aviez de vivre, mauvaise façon que vous avez à vivre d'après votre vie passée. Qu'on renonce à cela, ça doit nous quitter. Et dans les psaumes, on disait, comme vous venez de lire là, qu'il va débarrasser du pays, anéantir ceux qui calomnient en secret leurs frères. C'est terrible, pas vrai? Ça veut dire que la calomnie signifie quelque chose qu'on dit de quelqu'un pour pouvoir le dénigrer ou atteindre à son intégrité. Porter atteinte à son intégrité. Que ce soit l'intégrité morale comme spirituelle. Lorsque, par exemple, je vais prendre un exemple simple dans la Bible pour que vous compreniez. Vous connaissez l'histoire de Naboth. Vous connaissez la vigne de Naboth. Oui. L'histoire de la vigne de Naboth. Il s'agit de quoi? C'est le roi Akab. Le roi Akab. Voilà. Donc, c'est un roi qui a vu un terrain bien fertile qui voulait faire un jardin. Le monsieur qui avait cette vigne-là, le roi venait le voir. Lui demandait que, est-ce que tu peux me vendre de ta vigne? Il a dit jamais. Il est rentré tout triste à la maison. Allait se coucher au lit comme ça, ne voulait pas manger. Sa femme Jézabel, gardez bien ce mot-là. Jézabel lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi tu as cette tête triste? Il dit que c'est que j'ai demandé à Naboth de me vendre son jardin. Il a refusé. Ça, c'est le roi du pays. Jézabel a dit, quoi? Tu es le roi ou tu n'es pas le roi? Il dit, je suis le roi. Balai des noms. Sa femme a dit que, lève-toi, marche, je vais te donner cette vigne-là. Écoutez, c'est ce que cet homme-là va dire. Après, il va prendre l'anneau du roi, le sceau. Comme vous voyez par exemple, le décret présidentiel, après le président signe. Il a signé un décret. Il dit qu'on place Naboth à la tête. Et on met deux personnes qui doivent l'accuser, qu'il a maudit le roi et Dieu. Vous avez suivi? Voilà un homme qui reste tranquille à la maison. On veut le traîner devant la foule. Les gens sont derrière. On dit que ainsi parle le roi Akab. Le décret est sorti. On doit lapider cet homme, c'est parce qu'il a maudit Dieu. Et il a maudit le roi. A-t-il fait cela? Non. Lorsque l'effervescence sort, comme par exemple, vous entendez, j'arrive là, je suis en train de prendre depuis l'Ancien Testament pour arriver jusqu'à nous. Lorsque l'effervescence sort dans la foule, on dit, vous voyez celui qu'on présente à la télévision là-bas, c'est sorti dans le journal que Naboth a maudit Dieu. C'est sûr qu'il est orgueilleux. Les opinions vont aller diverses sur le plan des communications. Il y aura des gens qui seront pour lui, des gens qui seront contre lui. Mais l'effet a été déjà fait. On l'a calomnié. Quand tu calomnies quelqu'un pour atteindre son intégrité, il y aura le mensonge. Parce qu'on ne calomnie pas quelqu'un en disant la vérité. C'est justement le fait que c'est un style de mensonge qui a pour but de convaincre quelqu'un ou bien une opinion de la nature de cette personne-ci qui n'est pas bonne, de quelque chose dans sa nature. La calomnie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a besoin de dire quelque chose de quelqu'un qui ne semble pas vrai, mais la façon dont on habille ce mensonge-là, c'est pour convaincre. C'est ça la calomnie. Alors Naboth, il est resté debout. Il n'avait pas de défense parce que le décret du roi a été fait. Mais le roi n'avait rien à faire là-dedans. C'était sa femme qui avait fait Jézabel. On a tué ce monsieur pour prendre son champ. Vous voyez que les histoires de lutte des terres n'ont pas commencé aujourd'hui, non? Il y a des gens, des familles, qu'on lutte comme ça, on peut tuer une génération comme ça à cause d'un bout de terre. Le bout de terre, là, personne ne doit procéder. Et Dieu, dans le ciel, dit à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Les gens sont sur le terrain ici, sur la terre, ils tuent leurs voisins, ils tuent leurs frères à cause d'un parcelle de terrain. Vous lui demandez que tu as créé la terre, il dit non. Il dit c'est la terre de mes ancêtres. Donc la calomnie, c'est ça. Donc on a calomnié ainsi. On a fait ça au Seigneur Jésus. La Bible déclare qu'on a attrapé le Seigneur Jésus, on l'a présenté devant l'Assemblée. On dit que les témoignages contre lui ne concordaient pas. On a trouvé deux qui sont venus. Nous l'avons entendu dire que je puis détruire ce temple et le rebâtir en 3 jours. Vous lisez Jean chapitre 2, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, vous détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Or, lui, celui-là venait dire, ouais, le mensonge, parce que c'est habillé. Jésus, si vous lisez Jean chapitre 2, le verset 20, 19, 20 et 21, la Bible déclare, le Seigneur Jésus leur a dit, détruisez. Il a dit détruisez, donc vous détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. La Bible déclare là-bas que les Juifs répondirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et en 3 jours tu le bâtirais. Le Saint-Esprit explique qu'il parlait du temple de son corps. Donc Jésus voulait leur dire, tuez-moi, même si vous parlez de tout, après toi je vais sortir de. Mais le jour qu'on devait le condamner, ils sont venus dire qu'il a dit qu'il va détruire ce temple. Et il va le rebâtir en 3 jours. Les gens disent, comme ça. Hein. Donc tu veux nous montrer que tu es un grand architecte, que tu peux construire, tu peux faire la maison sur de la terre. Il n'avait jamais dit ça. Mais quand il dit ça, Jésus est debout en train de le regarder droit dans les yeux. Le gars manque parce qu'il respire. Après il sort, il rentre à la maison, il dort avec sa femme. Après il va aller au temple prier, Dieu, Dieu de miséricorde, tu es le Dieu des cieux. Nous calomnions et nous prions Dieu, pas vrai? C'est pas ça frère. Ouvrons le psaume 50. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Donc j'espère que pendant que je suis en train d'expliquer, vous allez le comprendre, n'est-ce pas? Souvenons, on a commencé là où il y a la recommandation. Lorsqu'on va finir dans cette somme, c'est qu'on va aller dans le Éphésiens 4 dont j'ai donné. Et puis, on va ressortir avec ce que le Saint-Esprit a dit qu'on fasse. Parce que le Saint-Esprit a dit là-bas que renoncer. D'accord? Il a dit renoncer. Donc, on doit se débarrasser. Là, il va falloir qu'on nous dise donc comment on fait pour se débarrasser. Le psaume 50, qu'est-ce que ça dit là? Regardez. Prenons à partir du verset 13. Ou bien. Verset 12 à 23 du psaume 50. Écoutez ce que ça dit. Frère de Nassim, ça va? C'est bien. Bon arrivé. Allons-y, verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il enferme. Donc Dieu dit que le monde est à lui, les gens discutent ça sur la terre, ça ce qui tue les voisins. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Oui. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Oui. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui. Et Dieu dit aux méchants. Écoutez bien ce que Dieu va dire aux méchants. Et quoi? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Donc il lit la Bible, n'est-ce pas? Oui. Et tu as mon alliance à la bouche. Où ça? C'est-à-dire quand tu connais un peu quelle parole, il peut citer. Dieu a dit dans la Bible que Dieu a dit allez multipliez-vous. Il dit ça dans la bouche aux méchants. Oui, continuons. Toi qui hais les avis. Hais les avis. Donc tu le prêches de la même Bible, c'est-à-dire que tu fous le camp. Que ça, c'est la tradition des Blancs. Les Blancs sont venus prendre notre culture. Mais quand il va boire, il te regarde, il dit que Jésus a transformé l'eau en... Il a pris ça où? Dans la Bible. Dans la même Bible qu'il dit que les Blancs ont... Il te l'a inventé. Continue mon chéri. Et qui jette mes paroles derrière toi? Derrière toi. Il jette les paroles derrière. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Oui. Et ta part est avec les adultères. Oui. Tu livres ta bouche au mal. Oui. Et ta langue est un tissu de tromperie. Oui. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Oui. Tu diffames le fils de ta mère. Dans la calomnie, c'est la diffamation. C'est ça. Tu t'assois. Tu pars en visite. Tu portes tes pieds. Les femmes. Les femmes. C'est pour ça que la Bible déclare pour les femmes qu'elles apprennent à aller de maison à maison et à dire ce qu'on ne doit pas dire. Allez seulement dans un salon de coiffure où il y a des femmes. Vous asseyez seulement là-bas. Vous allez dire que yes, c'est comme ça qu'on nous déchire ici dehors. Il est dans le salon de coiffure. Il ne sait pas ce qui ne va pas avec les femmes. Bon, les femmes, bonsoir à vous. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Il ne parle pas de toutes les femmes, d'accord? Quand vous voyez une femme s'asseoir dans le casque, une elle est en train de parler. Écoutez, quand vous déjà vous parlez avec quelqu'un de quelqu'un d'autre, sachez que quand vous allez quitter là-bas, on va parler de vous. Vous savez, il y avait un garçon là-bas à l'Opo. Ils sont assez... Ça, cette fois, ce n'est pas les femmes. C'était trois personnes qui étaient en train de parler. Et là, ça se trouve au milieu chrétien. Il y avait un pasteur, le pasteur assistant et un fidèle. Ils sont assis là, trois comme ça, ils sont en train de parler. Ils parlent comme ça, ils déchirent. Ils viennent finir le culte. Les fidèles sont en train de partir. Le pasteur dit, tu vois l'autre là qui est parti comme ça là. Elle sort avec la femme de telle ou telle personne. Elle fait comme ça. Et quand il finit de partir, le pasteur quitte pour aller dans la maison. L'autre assistant qui est là-bas dit que c'est le père qui divise l'église. Quand il rentre, l'autre père dit que celui-ci, depuis qu'il est ici, mange l'assiette, il ne range jamais les assiettes. Il crée trop de désordre ici. L'autre qui était là, il avait bien compris le système. C'est celui qui vient nous raconter. Il dit que quand il était là-bas, il ne voulait pas bouger. Parce qu'il savait que s'il bouge là-bas, on va pas. Et il a donné le nom. Il a dit que ça, qu'il a dit frère, je n'ai pas de faire le Congo, ça triangulaire. Donc dès que tu quittes la scène, on parle contre toi. Le plus grave, c'est que ce sont les membres d'une même assemblée. Et le pasteur est le chef des calomniateurs. Donc quand tu quittes la scène, dès que tu dis que quand tu décales, on a déjà parlé, avant de revenir, tu vois le visage, tu vois que on t'a décrit là-bas comme la télévision. Tu t'assois, il a dit que je ne bouge pas ici. Parce qu'il sait que quand, il quitte, quand l'autre est quitté, ils ont parlé de lui. Quand l'autre est encore venu, l'autre aussi s'est parlé. Donc s'il quitte là-bas, on va parler. C'est comme ça. La Bible déclare que tu énumères les paroles. Toi qui hais les habitudes, jette mes paroles derrière toi. Il dit que tu t'assois. Il dit que ta part est avec les adultères. Et tes lèvres sont des tissus de mensonges, des tromperies. Tu t'assois et tu parles contre eux. Quoi? Tu diffames le la calomnie. Voilà donc ce qui écrit la Bible. Donc Éphésiens maintenant, livre d'Éphésiens pour cette première question et puis on va continuer. Vous voyez, si ces gens les questions ne se sont pas posées et qu'on y va en traitant les choses à leur racine, vous allez dire, faire des choses et puis vous parlez à aller prier devant Dieu. Rien ne se passe. Les calomnies sont intimement liées avec les murmures. Les calomnies, c'est intimement lié avec les murmures. Intimement lié avec les haines. Prenez le temps seulement de lire les calomnies, c'est dont la Bible parle des calomnies dans le livre des Proverbes. Éphésiens, on va c'est pas devant là. C'est rime, on va finir, tu n'auras pas trouvé. Donc c'est quelque part là, voilà Éphésiens. Là. Chapitre 4. Mais souvenez-vous de Psaume 101 là où le psalmiste a dit qu'il va retrancher tous ceux qui calomnient quoi? En secret leurs frères. Et nous voyons ici comment il a dit clairement que tu t'assois. Et si vous continuez dans ce psaume 50, vous allez voir effectivement comment Dieu va dire et que tu t'es assis, tu as fait toutes ces choses et tu croyais que je te ressemblais. C'est-à-dire, quand tu vas finir faire ça, tu t'assois, tu dis que non, j'ai été créé à l'image de Dieu. Pointe quelqu'un à côté de toi. Dis, Dieu n'est pas un calomniateur. La calomnie n'est pas de son image. Ce n'est pas de son attribut. Donc, Dieu dit dans ce psaume 50 là, en finissant là-bas, il dit quoi? Il dit, tu as fait ces choses-là et tu t'assois. Tu crois que moi, je te ressemblais. Donc, Dieu ne ressemble pas à quelqu'un qui parle contre quelqu'un d'autre. D'accord, frère? Quand il parle contre quelqu'un d'autre, c'est pour le vanter. Et quand il fait ça au chef calomniateur, Satan, qui accuse le frère chaque fois. As-tu vu mon serviteur Job? Oui. Il ne parle pas de mal de lui. D'accord? Il apprécie seulement. Oui, s'il y a des problèmes sur la terre et que je dis que je vais détruire la terre, s'il y a ces trois hommes-ci, ces trois sur la terre, ils vont sauver leur âme par leur justice. Vous voyez, il ne calomnie pas. Il apprécie ce que les hommes font. Mais quand quelqu'un, la calomnie n'a pas pour but de hausser le blason de quelqu'un. La calomnie a pour but de disgracer. Disgrace en anglais, c'est pas comment vous dites. C'est la même chose en français, non? Dénigrer, voilà le mot. Donc quand la calomnie sort, c'est pour dénigrer une personne. C'est pour rabaisser la personne. C'est pour ça que vous allez travailler, servir quelque part. Vous faites votre travail au mieux de votre force. Où tous les autres vont t'apprécier. Mais les gens qui sont là, jaloux, quand il y a n'importe quoi, on demande n'importe quoi de vous. C'est pour ça que si Dieu donnait le jugement de la terre à quelqu'un, il y a des gens qui vont seulement dire, toi, ta tête m'énervait depuis, c'est même mieux. Donc, on te tue seulement. Il n'y aura pas de miséricorde. Vous voyez, dans votre lieu de service, on demande la possession aux gens. Les gens qui souhaitaient votre mort vont vous dire, celle-là, pour une fois, peut-être que tu es venu en retard. Elle va prendre ce qu'elle vient chaque jour en retard. L'amplification de cela, c'est pour faire quoi? Si vous regardez très bien, une entreprise fonctionne parce qu'il y a un directeur quelque part, un sous-directeur, ainsi de suite, comme les structures sont données. Et il y a les mêmes deux de part et d'autre. Vous asseyez dans une entreprise ou bien dans un lieu de service, vous faites une tâche qui vous est allouée. Une autre personne fait une tâche qui lui est allouée. C'est la somme de votre tâche qui fait fonctionner l'entreprise. Mais quelqu'un est déjà jalousé. Si on paye ton argent, ça n'empêche pas qu'on paye son argent. Mais il veut aussi ta place, il faut que tu quittes là-bas. La calomnie est liée avec la jalousie. La calomnie est liée avec les murmures. La calomnie est liée avec les envies. Vous me suivez, frère? Amen. Verset 29 de Éphésiens chapitre 4, 29, 30, 31. On y va? Allons-y. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous avez entendu? Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je vais vous raconter une histoire pendant qu'on en est parlé. Là, vous allez voir ce qu'il en est. J'ai ma petite fille là pour vous qui la connaissez. À un moment donné, elle est devenue turbulente. J'étais en train de travailler dans la Bible et puis elle ne fait que déranger. J'ai pris la chicot, il dit que je vais te tuer dans la maison aussi. Tu as entendu ça, frère? Qu'il veut te taper comme tu as refusé de mourir à la naissance. Il veut te tuer maintenant là. Vous savez, quand elle est née, elle était morte. Et puis le Seigneur l'a ramené. Il dit ok, il veut te taper maintenant, tu vas mourir. Vous savez, le Saint-Esprit ne dit rien. J'ai dit comme ça, je suis parti, non. Je vais me laver. Le Saint-Esprit dit viens. Il me tient à la douche. Il dit qu'est-ce que tu as dit de cet enfant? Il dit il veut la tuer. Vous savez ce que le Saint-Esprit a fait, frère? Il m'a dit j'ai prescrit dans les Saintes Écritures de la taper, mais pas désirer sa mort. C'est là où le verset m'est revenu, qu'effectivement c'est écrit dans la Bible ainsi. Pourtant, j'ai dit plutôt, je vais te taper, vous pouvez dire des choses tout simplement sans vous en rendre compte. Il dit, je suis de me laver, je vais dire, qu'est-ce que tu as dit à cet enfant-là, de cet enfant tout à l'heure? Il dit, il va te taper, il va la tuer. Elle dérange. Il dit, toi tu ne déranges pas aussi? Ce sont mes petites choses que je vous dis. Donc, vous dites, vous pouvez dire de votre bouche quelque chose sans vous en rendre compte que vous en avez combien de problèmes. Oh, tu as dit comme ça, tu as quitté là-dessus. Il dit, mais je suis en train de me laver, le Saint-Esprit vient. Je suis dans la douche seul. Il s'est présenté. Il dit, qu'est-ce que tu as dit de cet enfant? Il dit, il veut la tuer. Voici, il a dit. J'ai dit de la frapper, mais ne pas désirer sa mort. Je suis sorti, quand je suis sorti, il faisait les câlins à l'enfant, il ne comprenait pas pourquoi il était fait le câlin. Il dit, viens Madeleine, viens, la cour, papa t'aime, tu ne peux pas mourir. Hein. Ouais. Mais personne ne savait, ce qui s'est passé à la douche. Personne ne savait ce qui s'est passé à la douche. Or, la Bible déclare ici, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, allons-y. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent grâce à ceux qui l'entendent. Voilà ce que les chrétiens doivent faire. Ah, on va te pousser à bout. Les gens vont t'énerver. Ne dis pas que non, là tu as débordé le vase. Il n'y a pas de vase à déborder. D'accord, frère? Il n'y a pas de vase à déborder. Voilà, c'est pourquoi notre cœur doit être entretenu par la parole. Si vous foutez et que votre cœur est aiguisé, votre homme intérieur est aiguisé, le Saint-Esprit va vous reprendre là. Il va vous reprendre. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Quand quelqu'un va te dire que ta tête, tu es en train de dire que le Seigneur te bénisse. Il va dire que fou le camp, t'as lavé le cerveau, il dit que Dieu te bénisse, mon cher soeur. Et laisse les bénédictions qui te comblent. Là, alors vous allez comprendre vraiment qu'il a dit que non, celui-là, évitez-le. Celle-là, elle est entrée dans les sectes. Mais, pourtant, il y a des situations où, normalement, l'être humain doit réagir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous marche dessus. On vous marche dessus au point où vous sentez quelque chose monter en vous. Si cette chose monte en vous, au point où vous dites... Si vous faites ça, il vous faut la délivrance. Il essaie de vous indiquer des choses, des problèmes que nous traversons. Si vous arrivez au niveau où, quand ça ne va pas, vous faites le coup de poing pour taper au mur. C'est que le mur là représente la tête de la personne là. C'est ça la chose qui fait quand vous tapez sur quelqu'un, vous tapez, dites, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que la Bible déclare que si tu presses la colère, tu dois devenir en revenir. D'accord? Et ici, donc, on dit que si vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère implique le péché. Si vous n'êtes pas sur la colère contrôlée par le Saint-Esprit, si ce n'est pas Dieu qui vous anime de sa colère, si vous vous fâchez, vous ne pouvez pas contrôler. Alors tu vas faire toi avant de dire que qu'est-ce que j'ai fait? Que non, c'était la sanctification, je voulais se mentir. Donc ne faisons pas cela, d'accord? Amen. Ceci implique automatiquement le travail sur le cœur. Regardez quand le Seigneur Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand qu'entendez-vous pas cœur pur? Et comment l'obtenir? Il y a du travail. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Puis on dit, car ils verront Dieu. Quelqu'un lit cela, il colore dans sa Bible, on prêche en citant, il répète, comme dans Psaume 104, comme on a lu là. Et puis il s'assoit, il regarde quelqu'un comme ça, il dit, mon frère, il t'aime, et il a la haine sur le cœur. Cette personne se verra Dieu, frère. Pointe quelqu'un. Il dit, veille sur ton cœur. Ôte toute racine. De ce qui peut te créer des troubles. Voilà. Donc le travail que nous devons faire en tant que chrétien, c'est dans le cœur. Et le Saint-Esprit nous dit dans Colossiens, où nous avons commencé à lire tout à l'heure, verset 3, verset 5 et suivant, il dit quoi? Il dit renoncer au mensonge. Renoncer. Et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Que l'animosité. aucune calomnie. Nous ne sommes pas mentionnés. La calomnie. Je suis en train de m'inciter sur calomnie parce que c'est la question qu'il a posée. J'aurais souhaité parler de ces choses-là, différentes épines. Il y a sur un arbre, il y a des épines qui sont plus longues que les autres. Vous comprenez cela? La calomnie, si, c'est terrible. C'est terrible. Parce que ça englobe beaucoup de péchés. Si vous lisez votre livre dans le livre des Nombres, chapitre 14, et chapitre 16 particulièrement, chapitre 11, chapitre 14, chapitre 16, vous allez voir l'histoire de Myriam, Aaron et Moïse. Le prophète Moïse avait pris une femme quoi? Éthiopienne. Le gars est allé le causer lui avec Dieu là-bas. La femme l'a dit quoi? Sa grande soeur. C'est sa grande soeur. C'est elle qui l'a sauvée quand elle était née. Lui a dit quoi? Le gars, s'il pense même que Dieu parle seulement à lui seul. Chaque jour, ainsi parle l'éternel. Chaque jour, ainsi parle l'éternel. Dieu a convoqué l'assemblée en urgence. Il y avait l'état d'urgence spirituelle. Il s'est tenu là-bas, il est descendu dans le camp. Il a dit, écoutez très attentivement, quand il y aura un prophète parmi vous, ce n'est pas des songes et des visions qui veulent parler, mais ce n'est pas la même chose avec Moïse. Donc Moïse est à part. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Quand on parlait, Moïse était là. Hein? Non. Moïse était dans l'adoration avec le Père. Ils ont parlé de l'autre côté là-bas. Ça n'a pas empêché que Dieu voie. Dieu n'est pas que quelqu'un qui va te concentrer, c'est pendant que vous faites le bruit là-bas, il n'entend pas. Moïse, si Dieu ne parlait pas cette affaire, c'est que l'histoire de Congo, ça se devait rester entre qui? Aaron et sa soeur. Dieu les a convoqués là-bas. C'est là où Moïse comprend que par derrière, on a fait le Congo, ça triangulaire sur lui. Vous savez ce qu'il a déclaré? La lèpre. Tu as envoyé la lèpre. Mais vous devez lire, quand vous lisez ces passages, vous devez vous poser la question, pourquoi la lèpre est venue sur Myriam et ça n'a pas touché Aaron? Vous avez médité là-dessus? Comme on n'a pas encore réfléchi, c'est réfléchi maintenant. C'est pas ce qui crée la Bible, frère. Allons-y. Non. On est dans Éphésiens. C'est comme ça, on va faire comment? Il nous trimballe partout, on va. Donc, mets le doigt là-bas, on va y revenir. Bien au milieu de nous, d'accord? Moïse, quelqu'un te calomnie, les lèvres vont venir sur nous, tu comprends, non? Même si quelqu'un dit que tu viens seulement là comme ça, quand on prêche, tu attends seulement qu'il y ait la bouillie. Tu comprends, hein? Voilà, on va voir. Nombre, vous êtes dans le livre du Nombre. Vous voyez le chapitre 12. Nombre, le chapitre 12. Alors, si le frère du Nassim veut nous prêter sa maison de demeure, pour qu'on prie pour des cas et des situations difficiles demain. Donc rendez-vous pour ceux, vous qui êtes malade, vous qui avez une situation chez le frère Donatien demain. Pour ceux qui ne connaissent pas la route, le voilà. N'essayez pas de m'appeler pour dire que frère Junior, on ne passe pas où pour y arriver. Voilà la personne qui a la main, maison, le voilà. Frère Donatien, lève la main, on te voit. Voilà le frère Donatien. Voilà. Vous avez entendu, non? Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc quand il finit de me demander, pas, il dit c'est pas où. Nombre chapitre 12. Écoutez. Marie, vous avez vu comment ça a commencé? Écoutez, Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Oui, Moïse avait pris une femme éthiopienne. Quel est ton problème là-dedans? Ça a dérangé Dieu? Ça a empêché que Dieu lui parle? Dieu est venu dans l'assemblée dire que Moïse a échoué sa mission. Il est en train de prêcher que vous ne devez pas vous mélanger. Lui-même, il a pris une femme. Dieu a dit ça. Il part. Ça devient maintenant l'objet maintenant de conversations. Faites attention. Si quelqu'un vient vers vous, voilà donc, nous sommes touchés maintenant à la sortie de comment arrêter la calomnie. Si quelqu'un vient vers vous, il s'assied. Bonjour Marco. Tu dis bonjour ma soeur. Ça va? La chose ici, c'est comme pour aimer. Tu dis que laisse aimer. Aimer n'est pas cordonnier. C'est comme ça que ça commence. Ta chaussure là est comme pour aimer. Ce n'est pas elle qui t'a donné ça par hasard. Maman. Quand ça commence comme ça, arrêtez ça rapidement. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous parler de quelqu'un d'autre si cette personne n'est pas là. Et si quelqu'un le fait pour pouvoir aider cette personne à quitter la calomnie, dites ok, patient, je vais appeler la personne, tu dis cela en sa présence. Vous réglez le problème. Vous avez suivi? Amen. Voilà. Parce que quand tu vas finir, quand tu vas dire A à B, quand A va aller vers B, dit que tu as dit quoi? Qui t'a dit ça? Il dit c'est C. Tu viens chez C, il dit que qui moi? J'ai seulement dit que voilà donc comment ça allait A et comment B. Ce sont les lettres de la Bible, par exemple, qui sont ordonnées, chacun à sa place depuis. On ne doit pas se déranger. D'accord, la Bible déclare que quoi, Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Regardez bien, on dit parlaient contre Moïse. Ici, c'est encore très grave parce qu'il s'agit de trois personnes d'une même famille, même père, même mère. Donc, ça veut dire l'histoire de calomnie n'a pas de limite. Si dans la famille propre, une grande soeur qui a sauvé son fils, son petit frère, lorsqu'il était petit, elle pouvait pousser ça dans le caïman, là-bas, dire au caïman que caïman, il y a un enfant dans la marge. Pas vrai? Mais elle a prévenu juste parce qu'elle allait dire au quoi, à la femme de fille de Pharaon, que voici un enfant. Il partait chercher une mère. La sœur de Dieu l'a conduit à aller prendre sa propre mère pour pouvoir allaiter l'enfant. Pas vrai, frère? Amen. Le voici qu'il est grand, il prend son enfant. La femme éthiopienne, ça la dérange. Elle porte son pantalon, il porte son. Ça la sert. Hein, frère? Regardez encore verset 12. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ça, c'est la vie de Moïse. Ça te fait quoi, Marie? Verset 2. Il dit, est-ce... Regardez bien. Le verset 2 commence par il. Il, c'est au pluriel. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez l'avantage spirituel. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Donc tu dis que Moïse, tu attrapes un mot comme ça, l'autre attrape eux là-bas, vous tirez, ça écarte mot de ce côté-là, de ce côté-ci. Vous tirez son nom comme la France, ça ne lui fait absolument rien. Il est sec debout. Et l'Éternel l'entendit, oh, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allaient tous les trois, et quoi que c'était une révélation pour la suite des temps. Verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Parler de prophète. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Pourquoi n'avez-vous pas craint? Vous avez vu ça? Donc celui qui craint le Seigneur ne doit pas parler contre son frère. Amen. En fait, la Bible va même plutôt en donnant l'instruction de couvrir les fautes des autres. C'est ce que la Bible nous enseigne. Si quelqu'un est fautif, il ne faut pas publier ses fautes au dehors. Vous me suivez, frère? Amen. C'est l'attitude du Seigneur. Si vous lisez dans ce même livre de Nombres, à partir du chapitre 22, il y a un monsieur Balak qui va venir prendre Balaam, le prophète, de venir maudire Israël. Il donne les offrandes qu'il faut pour provoquer des malédictions sur Israël. Maintenant, si vous lisez depuis, nous sommes au chapitre 22, 23, 24, 25 du livre de Nombres. Vous lisez au chapitre 11, qu'on venait de lire là, les gens vont murmurer sur le cas de Moïse. Est-ce qu'il n'y avait pas de place en Égypte pour qu'on nous enterre? On avait le bongo Tchobi là-bas avec le Ndolé. Tu es venu faire entrer ici là. On va manger quoi aujourd'hui? Moïse a dit, allez crier à Dieu. Il a dit qu'il va manger la viande pas un jour, pas deux jours, pas trois jours, ou même 30 jours. Même Moïse lui-même a dit que, hein, vrai, il regarde dans le désert, il dit que les viandes vont sortir d'eau. Dieu leur a effectivement donné la viande. Pendant que la viande était dans la bouche, Dieu les a frappés, pas vrai? Maintenant au chapitre 22, Dieu était fâché. Au chapitre 14, Dieu va se fâcher au point où il va dire tourner dans le désert. Que ce peuple-ci, jusqu'à quand ils vont tourner dans le désert, il a dit qu'ils vont tenter. Maintenant, chapitre 22, 23, 24, quand Balak va venir. Balak vient, il dit que voilà Israël là-bas. Il regarde Israël, il dit maudis-moi Israël. Vous savez ce que Dieu dit, frère? Il dit qu'il ne trouve pas lui d'iniquité en Israël. N'est-ce pas terrible? Bon, dites-moi, Dieu a menti. Dieu ne ment pas. Bon, les Israéliens péchaient. Comment Dieu dit à Balaam que lui ne trouve pas d'iniquité en Israël? Parce qu'il n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Quand il finit avec Balaam, il se tourne vers le peuple. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il est? Il est chicote. C'est comme ça que les gens doivent faire pour agir. Tu as ton frère. On dit le linge sale de là où? En famille. Vous savez, j'ai vu une publicité là. Je ne sais pas si c'est une comédie que vous envoyez sur WhatsApp. J'ai vu, il y a un garçon là qu'on appelle Edoudou avec sa femme. Il bagarrait. Et puis un voisin a entendu le bruit, il est entré. Il dit, oh chérie, les deux filles en voisin. Le voisin lui-même est resté comme ça. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai entendu ici? Il dit, chérie, il n'y a que toi. Zakoula, ou c'est Zakoula, ou Zar là-bas. Et puis quand le garçon est parti, ils ont dit, quoi? Vous voyez cette scène-là? Ça veut dire, quand vous avez l'autre problème, c'est entre vous. Vous asseyez pour trouver la solution. Lorsque vous prenez déjà un problème, pour dire à une personne, vous ne savez pas à quelle personne là, cette personne va dire. Vous dites, je te dis si, tu connais le type là, c'est un sorcier. Il dit à personne, hein. C'est un quoi? Sorcier. Lui c'est quand même, ce qu'il te dit là c'est un secret. Ne dis à, bon, si c'est un secret, pourquoi toi-même tu as dit? Si c'est donc un secret, on ne dit pas le secret. Parce que si tu savais que c'était un secret, tu ne dirais pas une autre personne. Comme maintenant, j'ai des informations sur chacun de vous, que peut-être même vous ne connaissez pas, comme celle-là à qui il dit la dernière fois, mercredi ici, il disait, voici ce qui se passe, il y a l'oppression. Puis il dit, ça c'est le marabout, on a tourné quelque chose de rouge et noir. Et on a... en dehors de ça, il y a des informations que j'ai sur elle la concernant. Mais vous parlez plus lieu que, vous voyez, vous cherchez le Saint et vous dites, Seigneur, donne-moi la grâce de faire telle chose. Il y a des gens que si Dieu dit que, boum, que telle chose va se passer dans le pays, il dit ça c'est seulement pour toi, il va dire pour moi comment, il va sortir là-bas partout que quelque chose va se passer. Hein frère? C'est pour ça que Dieu travaille ton caractère, travaille ton caractère. Voici donc pourquoi les prophètes utilisent les paraboles. Parce que les choses du royaume n'est pas faites pour tout le monde. Il y a des gens qu'il faut écouter sans comprendre. Mais je veux, n'est-ce pas frère? Les gens écoutent comme ça. Ils disent bêtises. C'est que ça s'appelle bêtise là, quelqu'un entend dire que j'ai bien compris. Alors un prophète vient vers toi. Il prend son propre habit, il déchire, il te donne 10 pas. 10 pas. Qu'est-ce que l'habit a à voir avec le royaume? Parce qu'on te revête de la majesté de domination. Voilà ce que ça symbolise. Vous me suivez, mes frères? Amen. Alors, lorsque quelqu'un vient vers vous, il dit c'est un secret. Tu dis c'est un secret, garde pour toi. Mais dis pas. Non, je veux seulement te dire qu'il faut que tu saches que je ne veux pas savoir. Je l'aime? Oui, je l'aime, oui. Mais. C'est que je ne dis pas ça pour la calomnie. Hein. En disant ça, tu es en train de calomnie. N'essaie pas. Si tu ne veux pas dire quelque chose, il faut seulement poser la question à la personne. Ce que tu vas dire là, c'est pour la hausser, c'est pour la féliciter. Il dit non. C'est qu'il m'énerve. Vous voyez que là, ce n'était pas pour la féliciter. Pas vrai? Donc ne dites jamais rien. Ne faites jamais cela. Parce qu'on va vous, la Bible déclare qu'on va vous juger selon la mesure que vous serez servi. On va verser dans votre cou et votre cou va déborder. Parce que si vous dites quelque chose à quelqu'un, vous attendez, en allant là-bas, on dit que on a dit de toi que tu es homosexuel. Il dit qui moi? Qui a dit ça? Dis-moi, comment ça va le don? Je vais lui montrer de quel bois j'ai mis. Tu fais même verser l'eau sur ton bois. Parce que ce que tu fais à quelqu'un là, Jésus a dit que c'est la loi des prophètes, c'est que fais à ton prochain ce que tu aimeras qu'on te fasse. Parce que comme tu dis le nom de quelqu'un, on dit aussi ta part, il ne faut pas te fâcher. Mais on ne doit pas rester au niveau de calomnie. Tu me calomnies, je te calomnie. Non. Le Seigneur dit au milieu de nous. Ça doit disparaître. Amen. Vous comprenez? Amen. Continuons sur l'histoire des nombres aussi. Regardez. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche et je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Contre eux. Contre eux. Et il s'en alla. Donc Dieu a parlé, il s'est fâché, il est parti. Écoutez bien. La nuit se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici elle avait la lèpre. Vous avez vu ça frère? Dieu s'était fâché contre qui? Contre. Qui a reçu la lèpre? Marie. Pourquoi? Parce qu'elle a calomnié. Pointez quelqu'un. Dis attention à la lèpre. Si vous ne voulez pas participer à la lèpre de quelqu'un, en fait, il va vous dire un de ces jours pourquoi ça n'a pas touché Aaron. Ne permettez pas que quelqu'un vienne vous faire pécher. Vous allez travailler dans la sainteté avec Dieu. Vous allez travailler pour grandir avec Dieu. Quelqu'un vient porter le nom de quelqu'un et mettre devant toi. Commencez à parler. Regardez la personne, dit tu as fini, oui. Que ce soit la dernière, je ne vais pas porter tes péchés, je ne vais pas pécher seul. Si tu es capable de dire la même chose à cette personne-là, on appelle la personne. Si tu as un problème, il faut résoudre. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 18, quand tu as un problème avec ton frère, va reprendre-le seul à seul. Afin que vous réglez le problème. C'est la manière biblique de le faire. Écoutez très bien, quand Dieu a dit ça, il n'est pas là derrière nous comme un gendarme pour le faire. Mais vous outrepassez cette loi, vous allez le rencontrer au jugement avec ça. Même si vous essayez de tourner sur la terre avec votre façon et vous vous en sortez, devant lui, il n'y aura pas d'exception. C'est sa loi, c'est pas la parole qui va juger. Donc, si quelqu'un fait quelque chose sur la terre, tu peux dire à telle personne, et que toute la majorité avec toi, remarquez bien, quand toute la majorité a été avec ceux qui ont dit, toute l'assemblée a dit, waouh, qu'avons-nous encore de juger? Deux personnes sont venues témoigner contre Jésus, qu'il a dit ces choses, et c'était suffisant pour le condamner, non? N'est-ce pas, tout le monde était avec lui? Ces deux-là vont se positionner au jour du jugement, ils vont dire là au jour qu'il avait dit qu'il veut détruire. Ils vont dire ça. Mais ça veut dire que vous pouvez vous en sortir avec la justice humaine. En passant outre, en prenant votre main, les gens sont d'accord avec vous. Mais regardez l'attitude du Seigneur Jésus, il est resté calme. Sachant que même si c'est justifié, ça ne servait à rien dans cette assemblée. Si on vous calomnie, restez tranquille. C'est la solution. Quand vous calomniez, ne vous justifiez pas. Restez tranquille. Que cette personne se dit vrai de moi, que Dieu le bénisse. Qu'elle ait dit mensonge, que Dieu le bénisse et que Dieu ait miséricorde de moi. Voilà l'attitude. Ne participez pas avec le péché. Rentrons dans Éphésiens chapitre 4. Donc dans Éphésiens chapitre 4, nous avons lu verset 29. Qui ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quand quelqu'un va entendre une parole, regardez bien la différence entre calomnie et la grâce. C'est parole d'édification. C'est que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, c'est pour le rehausser, pour l'édifier, pour pousser cette personne à aller de l'avant. D'accord? La calomnie, tout au contraire, joue et dénigre une personne. Quand quelqu'un vient, hey, mon frère, j'ai eu un songe aujourd'hui. Tu es sûr que ce n'est pas un démon qui t'a parlé? La personne, quand elle aura son songe encore, un jour, elle va encore te dire. Continue ici, frère. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Oui. Que toute amertume, un. Toute animosité, deux. Toute colère, trois. Toute clameur, quatre. Toute calomnie, cinq. Et toute espèce de méchanceté, six. Disparaissent du milieu de vous. Amen. Vous avez entendu? Vous êtes prêts donc à ce que cette chose-ci soit avec nous? Je veux que tu te tournes, tu regardes ton frère, ta soeur, tu regardes bien les yeux dans les yeux quand il te regarde. Il n'a pas dit moi, je suis ton frère, je suis ton voisin, mon frère. Regardez bien, regardez-vous bien. Dis mon frère, ma soeur, tu, oui. Aimons-nous les uns les autres. Tu ne peux pas dire que tu m'aimes. Tu me calomnies en secret. Vas-tu encore me calomnier? Dieu bénisse, fermez les Bibles. Quand je vous dis chaque fois que, quand vous dites à quelqu'un que est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu, il dit non, non, non, il connaît seulement deux seuls commandements. Aime ton prochain comme toi-même. Moi, j'aime mon prochain. Il dit ah bon, hein, oui. Je prends aimer ton prochain comme toi-même. Je prends un an pour détacher, aimer ton prochain comme toi-même. Tu vas voir effectivement que tu n'as jamais aimé. Voilà un exemple. Tu peux dire à quelqu'un je t'aime, et puis de l'autre côté, tu en as parlé de lui, tu aimes la personne. Mais quand on va te dire sans parler de calomnie, tu vas dire non, je l'aime, je ne veux pas du mal. Et puis quand on va quelque part pour chercher une histoire, on voit que tu avais mis ta bouche dans l'histoire de quelqu'un. C'est pas ça, hein? Donc faisons attention. Faisons attention. Des questions? Merci frère pour ces questions, ça va dehors, non? Bon, maintenant, à ce rythme-là, tu as déjà calomnié. Tu as bien calomnié, n'est-ce pas frère? Ouais, comment il bouge la tête, oui, j'ai bien calomnié. Mais tu n'as plus calomnié, non? Non, non. Ben voilà. Si quelqu'un vient vers toi pour parler, tu vas faire comment? Non, non, je le chasse. Tu le chasses? Oui, oui. Mais c'est qu'il va aller dire ça quelque part encore. Oui, oui, il continue. Pas avec toi. Oui. On peut, si ça en vient, il n'y a pas de problème, non? Tu calomnies en bien quoi? Donc si tu parles de quelqu'un en bien. Oui. Mais c'est ce qu'on a vu ici dans la Bible. Mais il ne faut pas que tu reprennes que tu veux parler en bien. Dieu n'a pas demandé que tu fasses le talakou de quelqu'un. D'accord? Voilà. Des questions? Avez-vous des questions, frère? J'ai dans la main ta clé, d'accord? Si vous avez des questions, vous parlez. Si vous voulez enregistrer, vous allez enregistrer, envoyez ici. Parce que si je suis loin, vous enregistrez, ça ne va pas. Le son ne sera pas bien dans votre téléphone. S'il n'y a pas de questions, vous me dites, j'avance. J'ai une question. Oui. Quand on parle de personnes qui disent avoir la foi sans les œuvres. Oui. C'est quoi la foi sans les œuvres? Sans les œuvres. Sans les œuvres. C'est par exemple que tu dis que je crois au Seigneur Jésus et que c'est fort. Tu pars chez le marabout. Ton œuvre montre que tu ne crois pas au Seigneur Jésus. Quand on croit au Seigneur Jésus, on croit en lui. Ça, tu comprends? On dit, si tu as la foi, tu n'as pas les œuvres. Ça suppose que l'œuvre de ta foi, c'est quoi? Tu dois prouver que tu as foi en Jésus. Si par exemple, le médecin t'annonce que tu as quelque chose, ou bien on dit qu'il y a quelque chose que tout le monde est en train de mourir, la seule possibilité de faire, c'est au village. Pendant qu'on dit ça, d'autres personnes disent qu'ils puissent aller prendre. Est-ce que toi, tu vas tenir? Tu vas tenir? Comme tu as vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas, non? Donc, vous pouvez tester si votre foi. Vous connaissez l'histoire qu'il vous raconte ici d'un monsieur qui était dans le lit. Il y avait 5 lits dans l'hôpital. Il y avait la mort. Le premier jour, la première personne du lit est morte. Deuxième jour, l'autre personne est morte. Troisième jour, il a constaté. C'est lui seul qui a constaté. Les gens ne constataient pas parce qu'il mourait. Alors, il était au fond là-bas. Il a vu que l'avant, c'est cette personne qui est morte. Donc, il savait clairement qu'après celui-ci, c'est celui-là. Il s'est levé, son pied ne marchait pas. Il a dit que si vous, que si vous ne me faites pas sortir, c'est moi-même. Sauf que quand la mort va venir sur le lit, là, après avoir pris celui-là, elle ne va pas me trouver. Vous voyez? Il a eu la foi. Il a compris que non, là, ça ne va pas. Il faut qu'il quitte. Mais maintenant, si vous êtes chrétien et que Satan inspire des choses dans votre famille, souvenez-vous de ceci. Soit vous êtes totalement avec Jésus, soit vous n'êtes pas avec lui du tout. Il a dit, mon juste vivra par la foi. Il ne faut pas que ça arrive à un niveau, tu dis, oh, quelqu'un va venir te dire, si tu veux, reste là. Je connais quelqu'un qui disait comme ça, qui prie. Et puis ça l'a pris. Il dit, l'affaire là, ça fait vrai, ça peut prendre. Tu connais tel nom, ce n'est pas elle qui était enceinte d'église. Oui, elle était enceinte d'église comment? La Bible interdit aux femmes d'être au départ, pasteur. Donc elle est déjà sous la coupe de Satan. D'accord? Mais la foi, c'est ceci. J'ai cru et je parle. Voilà la foi. Alors la foi sans les œuvres principalement, c'est de dire que je crois au Seigneur Jésus. Quand les moments difficiles arrivent, tu prends une autre tournure. Parce que c'est dans les moments difficiles que la foi est testée et validée. Et souvenez-vous, ça ne veut pas que quand le moment difficile va venir, bam, Jésus va réagir. Il se pourrait qu'il te laisse que ta foi soit éprouvée jusqu'à la fin. Vous suivez ça? Il peut même permettre que tu meurs. C'est parce que, en dernier lieu, vous dites, il y a des gens, je dis, je connais des cas. Il s'assoit comme ça, on dit que voici le remède traditionnel, je ne vois pas. Quand il dit je ne vois pas, son corps tremble encore davantage. Quand vous sortez, le remède traditionnel le prêche, il guette comme ça là, le corps guette. Et puis les voix commencent, si tu ne vois pas, tu vas mourir. Après tu attends, Seigneur Jésus, c'est toi qui as créé le plan. Vous voyez cela? Vous allez être restauré. Vous allez être restauré physiquement. Mais vous êtes coupé à la source sans vous en rendre compte. Vous connaissez l'histoire d'Abel de Gauchard dans Meshach, non? C'est bien de prêcher de l'issue. C'est bien de parler. Leur pas était l'adoration d'une statuette. La confrontation de leur foi était l'objet de leur confrontation, de leur test, était au sujet de la statuette. Ils étaient trois. Tout le monde, dit la Bible, s'est prosterné. N'est-ce pas? Ça suppose que les sacrificateurs qui lisaient la Bible, ce sont ceux qui enseignaient la Bible aux gens, ce sont. Ils ont dit que la Bible dit dans Exode 20 que tu ne te prosterneras pas. Mais Dieu va comprendre que c'est un cas urgent. Pas vrai? On a dit, pouh, au son de la trompette. Si c'est que quelqu'un se prosterne pas. Les gars, le feu n'était pas loin. Le feu était là. Tu ne fais pas d'envoi là-dedans. Tu brûles comme le bunga. Quand on a fait pouh, les gens sont prosternés. Le père dans le gosse, il dit, hé, hey, baisse-toi. Baisse-toi. Il dit, papa, il ne me prosterne pas. Parce que on dit, tout le monde sait. Mais l'enfant, si tu entres dans un secteur ou quoi, on va te tuer. Baisse-toi. Et les papas, ils ne me prosternent pas. Frère, vous devez croire, avoir la foi de cette croyance. On a allé dire à Nebuchadnezzar qu'il y a des gens que tu as employés là-bas, ils ne font aucun cas de tes dieux. Il dit quoi? Il lui a amené les ici devant. On croit qu'en amenant devant le roi physiquement, ça voulait changer la situation. Il dit que est-ce des propos délibérés que vous faites ou bien peut-être on ne nous a pas bien enseigné que quand on fait bien vous blossonnez. Il dit écoute bien. Toi, vis éternellement. Notre Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer de tes mains. Là, quand il parle, Dieu n'est pas physiquement là. Parce que la foi, c'est au-delà de ce qu'on voit. Le Dieu là n'est pas physiquement là. Ce qui est physiquement là, ce sont les armes. Ce qui est physiquement là, c'est le feu. Ce qui est physiquement là, c'est qu'ils sont dans le territoire ennemi. Donc, tout était en leur défaveur. Le roi dit que pur. Fais, allez, Chalumeau. Oh, poupou. Tout le monde s'est encore prosterné. Le père dit que je vous t'avais dit, prosterne-toi. Quand les gens qui prêchent la Bible au moment de la foi se prosternent, vous pensez que quel est le résultat dans les cieux? Le lendemain, quand ils vont aller à la synagogue, on dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac avait fendu la main, non? Avait fendu la main. Ça, la Bible devient pour eux de l'histoire. La parole de Dieu, c'est la parole vécue au quotidien. Ce n'est pas une parole pour raconter les histoires. Quand vous écoutez une parole, vous devez être éprouvé à ces paroles-là. La parole de Dieu est éprouvée. Vous comprenez cela? Amen. Il a dit que nous n'existons pas ici. Et même si notre Dieu, c'est la plus grande des paroles de la Bible ici, même si notre Dieu ne nous délivre pas de tes mains, vous voyez cela? Ça veut dire qu'ils sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Ça veut dire qu'ils préfèrent mourir que de mettre juste leurs genoux au sol devant une image. Ça, c'est pour eux. Pour eux, c'était l'image. Alors, quotidiennement, pour vous, devant quoi vous prosternez-vous au détriment de la parole de Dieu? Toute chose qui confonde votre foi et dont vous tombez en faisant ce qui est contre cette parole-là, vous venez vous prosterner devant le statut de Nebuchadnezzar. Et donc, votre œuvre ne suit pas votre foi. C'est de ça dont il est question. Parce que quand vous lisez l'histoire de Nebuchadnezzar, l'histoire d'Abednego, chacun a ça chaque jour. Parce que c'est la parole de foi qui doit les éprouver. Alors, chaque fois que nous passons, chaque jour que nous passons, après avoir écouté la parole, vous lisez la Bible, vous devez confronter ça dans la société. Vous êtes dans une situation où, on va dire, madame, vous devez payer, c'est-à-dire la corruption, pour passer. Si vous ne le faites pas, tout le monde va passer sauf toi. Ça fait quoi, non? Il faut comment? Donne seulement 500. Seulement 500. Sur le plan spirituel, ce n'est pas le problème de 500. C'est le problème que tu attribues la gloire que tu dis professer à un royaume satanique. Tu fais les œuvres de Satan. On va revenir sur cela, les œuvres diaboliques. Vous voyez cela? En faisant cela, tu professes de ta bouche que je vis dans la vérité. Mais dans la pratique, tu vis autre chose. Tu t'es prosterné devant Nebuchadnezzar, devant sa statue. Donc, la foi sans les œuvres, c'est un sujet que chacun doit vérifier. Est-ce que je vis la foi dans la foi en prouvant? Tu dois prouver. Parce que dans ce livre de Jacques, chapitre 2, il a parlé d'une preuve de ce que nous aimons le Seigneur, de ce que nous avons cru. D'accord? Il dit, si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'a pas les œuvres, cette foi peut-être l'a sauvé. Parce que si vous faites la corruption, vous vous en sortez dans une des épreuves. Un de ces jours, vous allez avoir besoin d'appeler l'objet de votre foi, le Seigneur Jésus. Il ne pourra pas venir parce que vous ne tenez pas bien. Or, il pouvait intervenir pour le cas de Nebuchadnezzar. Il pouvait intervenir pour le cas de Daniel dans la fosse au lion. Parce qu'il avait eu confiance. Au point où le roi lui-même dit, Daniel, puisse ton Dieu. Le roi ne pouvait pas le délivrer. Daniel, puisse ton Dieu que tu sais quoi? Avec te délivrer. Frère, s'il avait dit comme ça et que Daniel jouait double vie, les lions devaient faire quoi? Les lions ne veulent pas savoir si ton cerveau a la science dedans. Si tu as le doctorat, le doctorat, le lion s'en fout de ton doctorat. En tout cas, si tu as mis ça dans la poche, il déchire avec ça. Mais la foi, c'est un bouclier. Bouclier. Alors, il a envoyé l'ange là-bas, ferme la gueule des lions. Il s'est tenu là au milieu des lions. Pas vrai, frère? Parce qu'il a eu confiance au Seigneur. Sa confiance, c'est pas que j'ai confiance à toi. Il ne s'agit pas de faire des coups de poing comme ça qu'on le prend. Il faut que j'ai pris. Ça n'est pas la foi, ma foi. J'ai déchiré le ciel. Quand tu ouvres les yeux, tu vas voir que les cieux ne sont pas déchirés. La foi, c'est vie et c'est pratique. Alors, confrontez donc votre croyance avec la façon de vivre. Si on vous annonce quelque chose qui est mauvaise ou bien qui semble contraire à ce que vous devez expecter. De quoi que nous avons parlé ici, de la foi hybride, bien de la correction de notre foi, c'est ça, non? Donc, imaginez, dans ce jour-là, il vous disait que vous avez une chose que vous allez faire selon la volonté de Dieu. Vous dites, Seigneur, par ta Bible, je vois dans ta Bible que Josué, dans Josué chapitre 10, verset 13, il a prié que le soleil arrête-toi sur Gabon. Le soleil s'est arrêté sur Gabon. L'autre a prié, Élie a prié, il a fermé le soleil, la pluie, que la pluie ne tombe pas au nom de Jésus. Et puis tu sors, tu viens t'habiller comme ça là, tu guettes dehors, tu regardes comme ça, c'est noir. Tu prends ton parapluie, tu pars. Qu'est-ce que tu viens de faire, frère? Quand tu prends ton parapluie, tu passes. Le parapluie en te dit quoi? Connaissez? On peut comme ça que Dieu n'a pas écouté ma prière. Pourtant, la Bible déclare que nous savons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon ça, il nous. Et si nous écoutons, nous posons là. Mais parce que toi, tu veux voir si la pluie s'est arrêtée. Et tout pour sortir. Or, si tu faisais faire comme ça, comme c'était noir, ça devient brillant. Tu vas dire que, merci Seigneur, parce que tu as vu. Mais comme le soleil, le quoi, le Nimbus Columbus est encore là noir. Tu dis, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce qu'on ne peut pas voir au-delà de ce qui se passe. N'est-ce pas, mes frères? Pas moi. Quand Dieu a dit quelque chose et que vous savez que c'est vrai, vivez tout simplement. Mm-hmm. Vous qui avez été ici, je crois que j'ai raconté ça plusieurs fois à l'Opom, quand nous étions encore à l'Opom, nous revenions là-bas en plein air. On avait déposé la nourriture de la Pâque comme ça, pas vrai? Il était en train de prêcher. Et nous sommes en plein avril là. Et il a plu, c'est noir. On est en plein air. Et puis dans la chambre, il est en train de prier. Le Saint-Esprit dit, descends, il ne pleut pas quoi. Vous devez croire entre Dieu et la météo. Entre Dieu, la météo et la réalité que vous voyez. Les gens sont assis. Frère Bordeaux, tu étais là. Hein? Qui était ici? Qui était là? Oui, toi, tu étais là. Ok, vous étiez là. On s'assied comme ça là. Pendant que je prêche, en fait, personne parmi eux ne sait pas ce qui se passe dans la chambre pendant que tu allais prier. J'ai ma Bible devant moi. Je parle, je vois que je constate que les regards qui sont sur moi, c'est pour interroger que frère, tu ne vois pas ce qui est. Donc les regards m'interrogeaient que tu ne vois pas ce qui est en haut là. Je vois les regards, je suis en train de prêcher, que la Pâque, si, je vois, ma taille me guette comme ça là. Et pendant qu'on est, pour ne pas faciliter la tâche, le Seigneur permet que quelques gouttes de pluie tombent sur quelqu'un. Ouais, quand on ferme ça, chacun ferme sa Bible, j'ai ma Bible seule, chacun ferme la Bible, il arrête son sac comme ça pour dire, si ça dégage, on fuit, on entre dans la maison. Je suis debout, je fais comme s'il ne voit pas, il continue à prêcher. Et puis à un moment donné, il me suis arrêté, il dit, ça devenait intense. Je pose la question au Seigneur. Tu as dit que ça ne devait pas pleuvoir. Il continue à parler. Il ne trouve pas. Je continue. Il m'a dit, si vous regardez cette vidéo, il dit que merci Père. Et puis je vous expliquer ce qui s'est passé ici. Pas vrai? Après qu'on a fini. On a fini là. La pluie n'est pas tombée. Quand on a fini. J'ai mis le pied aux escaliers. Il a dit que dis-le. Il ferait mieux de courir. Quand il a dit, tourne-toi, parle. Je me suis tourné. Il a dit, Seigneur, tu peux descendre. Tu peux lâcher. Frère, ça a déclenché un système de pluie avec le tourné. Pas vrai, frère? Je n'étais plus là-dessus. Il a dû arrêter la pluie à cause de la scène qu'on devait faire. Amen. Bon, maintenant, imaginons qu'il avait dit comme ça. Ça fait peu, il dit non, c'est sûr que Dieu s'est trompé. Portons un peu les choses, mettons à la maison, à l'abri. Si vous allez faire votre scène là-bas, ce sera pour vous. Il faut honorer Dieu. Amen. Même si vous partez, ça vous mouille. Il faut honorer Dieu. Il faut honorer. Quand l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, fais que je vienne. Il a dit, viens. L'apôtre Pierre a réfléchi. Non. Quand il a mis le pied sur l'eau, il n'a pas marché, frère. Il a quand même fait deux pas avant que l'humanité l'a rattrapé. Il a quand même mis au moins quelques pas. Il n'a pas dit, Seigneur, il y a une planche là où tu marches. L'eau là est devenue solide. Il a posé la question là, frère. Est-ce que c'est normal que quelqu'un tu mets le pied dans le liquide, tu commences à marcher sur le liquide? Donc, ce n'est pas normal. Alors, c'est cette folie qu'avait l'apôtre Pierre de sortir du bateau. Il dit bien, c'est cette folie qu'avait l'apôtre Pierre de sortir du bateau. C'est comme ça qu'il faut marcher avec le Seigneur. Parce que la foi croit aux choses invisibles, impossibles, incroyables, les exploits. C'est comme ça. N'essayez pas de mettre le parastama à côté. Que Seigneur, je prie sur ces médicaments que tu me guéris au travers de cela. Ne lui dites pas le don de guérison du médicament. N'essayez pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, il y a des gens qui disent que. C'est un papa, quand j'étais à l'université, j'étais en train de lui poser des questions. Ils sont dans un groupe qui ne croit pas à la guérison divine. Il dit, ok. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un à la maladie, est-ce qu'on peut prier la personne guérie? Il dit que si j'ai ma maladie, j'achète le médicament, je prie dessus. Et tu pries qui? Dieu. Donc ça dit que Dieu passe par le médicament pour te guérir. Donc comme il est tellement faible maintenant qu'il est obligé de passer par ces médicaments pour te guérir. Donc on peut prier directement et guérir. Vous savez, mais il a fallu que ça une semaine pour qu'il me réponde. Il est allé sur une feuille, son pasteur lui a répondu, il a noté comme ça là. Il est venu me lire. Tu as pitié de tout ce qu'on peut faire. Quelqu'un lit sa Bible. Le Seigneur Jésus-Christ dit que voici, je vais donner le pouvoir de marcher sur les serpents. Il voit ça. Il ne peut pas demander à son pasteur que c'est encore valable aujourd'hui. Donc quand Jésus avait dit ça, il avait donné le. C'est à son pasteur qui disait. Vous voyez ce que ça nous dit, n'est-ce pas? Alors cette personne, si se tient devant vous, vous dites, tu crois au Seigneur Jésus? Il dit, oui, il croit. Comment tu sais que tu crois au Seigneur Jésus? Parce que là, tu n'as jamais vu Jésus que physiquement. Ce n'est que dans la Bible. Il a dit, voici les miracles qui accompagnent à ceux qui auront cru. Tu as cru? Il dit, oui. Tu peux prier pour quelqu'un guéri? Il dit, non. Ce n'est pas pour notre jour. Donc la croyance pour notre jour, pas l'autre aussi. Où est-ce qu'on en est, n'est-ce pas? La foi hybride. Alors la foi sans les œuvres, c'est en tout cas ce que tu as de naviguer à vue. C'est déjà des styles de vie si ça concerne dans la religion. Alors on va à l'église chaque jour, on essaie de lire la Bible, on prie. Mais à l'intérieur, on ne peut pas être, s'il y a des moments de difficulté, on ne peut pas tenir. Vous comprenez, non? Prenez le temps de lire Marc chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 12. où il parle de cette parabole de quatre terres, là, de quatre styles de terre où... Maman, descends un peu ta robe là pour couvrir ton pied. Voilà. Cette parabole de pied, de terre où on verse les semences là, de quatre styles. Il dit qu'il y a un style de terre que lorsque ce sont les gens qui écoutent la parole et qui reçoivent avec joie, pour un temps, tu crois, amen, j'arrache, tu arraches. Quand tu sommes en moi, tu dis que j'avais arraché, c'était perdu. Pourquoi? J'entends. C'est Marc chapitre 4, verset 1 ou verset 12. Et donc, il dit que les gens qui ont reçu sur les endroits pierreux, ce sont les personnes qui reçoivent la parole, mais qui la reçoivent un peu de temps. Il dit que les difficultés de la vie, les soucis étouffent cette parole. Ça ne peut pas porter de fruits. L'autre texte, c'est il reçoit d'abord avec joie, mais il ne porte pas de fruits parce que lorsqu'il s'y trouve une tribulation, regardez bien ce que le Seigneur dit, une tribulation à cause de la parole qu'il a entendue, la parole. Donc quand une parole vient s'entrer en toi, ça doit être testé. Il dit qu'il trouve une occasion de chute. Donc vous dites, la parole, je crois au Seigneur, que ça fait 16 ans que je suis dans la foi. Quelles sont tes épreuves que tu as traversées? Vous allez à l'université, vous sortez sans diplôme, tu dis non, j'ai fait 4 ans à l'université. Tu peux faire 4 ans étant en première année. Vous savez ça, n'est-ce pas, frère? Tu dis, tu peux faire 4 ans étant en première année. Vous finissez de fréquenter, tu payes l'argent des transports, tu payes tout. Le monde va composer, tu dis que je suis malade, tu peux rester à la maison. On finit de composer, tu reviens encore à l'université. Donc, tu as fait des épreuves, frère? Mais tu es quand même à l'université. Les épreuves de la foi. Les épreuves de la foi, comme la Bible déclare dans Jacques, ça doit nous épurer pour nous perfectionner dans la marche du chrétien. D'accord? Amen. Des questions? N'allez pas croire que le fait que vous lisez la Bible, ça fait quelque chose contre Satan. Jamais. N'allez pas croire cela. C'est que cette parole-là quitte la Bible et vit dans votre cœur. Comme le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Voilà la condition. À cette condition-ci, il dit demandez ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Maintenant, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir quelqu'un qui va dire que frère Junior, quand on souffre, il faut lire quel psaume? Va chez le pasteur, que le pasteur donne-moi les psaumes qu'il veut réciter pour dormir. Donc, il veut les versets qui baissent les gens. Il n'y a pas le verset qui baisse les gens dans la Bible. C'est le style de vie. Le style de vie. Dans Proverbe chapitre 3, si vous lisez le verset 13 jusqu'au verset 20, il dit que si tu recueilles la parole, tu les gardes dans ton cœur. Ça, c'est l'ornement de ton cou. Quand tu vas te coucher, tu ne dois pas redouter la terreur des méchants, l'attaque soudaine des méchants. Il dit quoi? Parce que le Seigneur sera quoi? Ton assurance. Il va veiller sur toi et ton pied ne heurtera pas contre les pierres. Donc, ça veut dire que pour que les sorciers viennent t'attaquer la nuit, ils t'attaquent tout simplement parce que la Bible est à l'extérieur de toi. Voilà pourquoi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ça veut dire que si on t'attaque dans la nuit, vous dormez déjà. Vous entendez déjà qu'on entre vous approcher. Ah, on m'a appuyé. Je sentais. Vous voulez me battre n'importe comment. Je ne parviens pas. Votre corps spirituel n'a pas été rempli de la parole. C'est ce que ça révèle. Si vous voyez ces choses, cette oppression-là sur vous, on vous met la main sur le cou. Ce n'est pas votre cou qu'on touche. C'est votre corps qui est à l'intérieur. Vous maintient. Wow, vous entendez, on vous étouffe. Votre corps a besoin de la parole. Vous n'êtes pas revêtu de Christ. Me suivez, frère? Amen. Voilà. Il dit donc que si vous avez ces paroles, si c'est l'ornement de ton cou, garde-les au fond de ton cœur. Il dit quand tu vas faire cela, quand tu vas te coucher, il dit ne crains pas l'attaque soudaine des méchants. Ne crains pas. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils écrivent le verset biblique. Ils sont couverts par le sang de Jésus. Ils me mettent sur le chevet du lit. Après, il dit que non, si c'est pas sur le pétrole, il n'est pas en train de lire ça. Il accroche un corde là, il met la croix catholique là-bas, ça balance comme ça. Et quoi qu'en balançant, ça va chasser les démons. C'est à l'intérieur que les démons résident. C'est à l'intérieur que ça réside. Après, ils sortent pour venir t'attacher le cou. Ils disent non, non. Un jour, quelqu'un me porte l'ordre. Je suis marié à la Légion de Marie. Parce que, sache, quand il tourne pour ça, c'est Joseph. Quand il tourne pour ça, c'est Marie. Il dit qu'il a la famille. Alors, c'est la famille démoniaque qui est en lui. Vous me suivez, frère et soeur? Que ça ne vous choque pas, mais c'est la vérité quand même. Dieu est esprit. Dieu est esprit. De la même façon, les démons sont esprit. Vous ne pouvez pas le combattre avec les objets. Vous ne pouvez pas le combattre avec les autres. C'est pour ça que dans Actes, dans Éphésiens chapitre 6, parmi les âmes qu'on a données, aucune âme n'est physique. Alors comment vous pouvez dormir en croyant qu'en versant l'eau bénite, ça va les empêcher d'entrer? L'eau bénite va les empêcher d'entrer. Non. Quand tu ouvres sur la porte, là, tu dis que je mets le rameau sur la porte. Il est obligé de passer par la porte. Un frère? Non. Ok, construis donc tes murs avec le rameau. Partout, mets les rameaux. Ils vont sortir par la terre. En tout cas, même si tu mets ça par la terre, demain tu vas aller chercher au pain dehors, non? Ils vont te trouver dehors. Donc, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ton gilet sur toi. Pour que tu dormes, que tu ne dormes pas, qu'ils ne puissent pas t'atteindre. C'est comme ça. Alors, l'attaque ne joue pas à partir de l'extérieur. C'est l'intérieur qui est la cible. Vous me suivez? Donc, permets que la parole habite en toi. Que la parole habite en toi. Lisez Colossiens chapitre 3, ouvrez. Le livre de Colossiens que nous avons lu aujourd'hui. Donc demain, 9h, n'est-ce pas? On se voit à 9h. 9h. Ceux qui ont des problèmes là, vous qui venez du Bafoussam, ceux qui ont des problèmes de maladie là, 9h. Au sortir d'ici, vous prenez le numéro du frère là, vous qui ne connaissez pas son nom, vous qui ne connaissez pas sa maison, demandez. Il n'est pas demandé que tout le monde vienne. Il dit que ceux qui ont des problèmes, parce qu'il vous connaît. Vous allez sortir, allez porter tout le monde, m'amener là-bas. Voilà. Ok. J'ai dit Colossiens quoi déjà? Chapitre 3. Alors, verset 16, qu'est-ce que ça dit là, mon cher? Verset 16. Allons-y. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oui. Par des psaumes. Un. Par des hymnes. Deux. Par des cantiques spirituels. Trois. Chantant à Dieu dans vos cœurs. Oui. Sous l'inspiration de la grâce. Oui. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Vous avez suivi, frère? Amen. Donc, ça dit quand vous réunissez, voilà ce qui se passe. Vous êtes deux en train de causer. Voilà ce qui va se passer. Ne pas commencer à parler des choses qui ne vous conseillent pas. Tu as vu Eto, Eto a marqué un but, Messie, non. Le gars là c'est un démon, c'est vraiment un démon. On ne peut pas faire des choses comme ça. Dans ce verset là, il n'y a pas discuté de football là-dessus. Or la Bible dit plutôt dans ce livre de 2 Timothée là-bas, qu'on évite les discussions folles. Évitez les discussions folles. Parce que quand vous réunissez, voilà ce qui doit se passer, que la parole habite abondamment parmi vous. Vous voyez le chrétien comme ça, que mince, j'ai dit que Marseille me tue seulement. Vous allez voir, les gars là, il y a les démons des gars. Les gens, c'est l'exclamation que les gens font. Que le gars là a un pied d'enfer. C'est un démon. Il te dit comme ça, tu ne sais pas. C'est vraiment un démon. Donc vous asseyez devant la télévision, vous voyez 22 démons de Mars en train de jouer avec 22 démons de Mercure. Tu es le débat en train de donner l'acclamation. Durant ce temps-là que tu vois ces matchs pendant 90 minutes, si tu passais le temps à genoux, Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, que ta parole habite en moi. Vous voyez ce que nous faisons. Mais quand vous allez quitter le match, vous tournez comme ça, vous entendez, bam, un truc ici, la flèche. Ah, qu'est-ce qui est arrivé sur mon corps? Là, vous allez dire, frère Junior, oui, les psaumes de guérison sont où? Et là, quand vous allez aller, vous allez vouloir qu'on fasse comme ça, là, ça quitte. Pourtant, vous avez passé 90 minutes devant la télévision. Mais si on parle comme ça, 45 minutes, le temps que la parole te nettoie, tu vas dire, non, on dure trop. Est-ce qu'on a besoin d'aller chez Dieu pour que ça dure comme ça? Continuez comme ça. Pointe quelqu'un. Dis ton attachement à un homme. Ne te rapprochera pas de Christ à moins que ton cœur soit sincère pour chercher Dieu. Voilà, ça veut dire que n'oubliez pas que ne croyez pas que votre collaboration avec un homme de Dieu va vous amener devant le Seigneur. Dieu ne veut pas vos activités journalières, c'est-à-dire te donner le travail et au-delà, il veut ton cœur. Donc, il veut une relation intime avec toi. Quand il dit dans ce livre de Proverbes, chapitre 22, il dit, je vais t'instruire. Oui, qui? Le pasteur. C'est pas ça? Hein? Il a dit quoi? Il dit, je vais t'instruire. Aujourd'hui, qui? Moi. Donc, il n'a pas dit, je vais t'instruire, toi et ton pasteur. C'est une affaire individuelle. Donc, cherchez la relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. Les serviteurs de Dieu sont donnés sur la terre seulement pour vous nettoyer, épurer, dénoncer ces choses de ténèbres, c'est pour vous pousser à aller vers Christ. C'est lui, le bon berger. C'est lui. C'est lui. Vous faites ces choses sur la terre, nous allons rentrer à la maison. Vous allez rester ici. Des questions? Oui. Hein? Je voudrais revenir sur la calomnie. Tu calomnies aussi? Tu calomnies souvent? Hein? Oui. Comment tu bouges les yeux maintenant? Tu calomnies ou non? Pourquoi tu poses ma question? Oui, non, je dis pour moi aussi. Non. Tu calomnies, non? Oui. Quand tu calomnies aussi, c'est bon alors. Non. Si tu entends aussi, on t'a calomnié, c'est bon aussi. Mais pose ta question alors. Je voudrais savoir que si. On vous calomnie, si on te calomnie, oui. Et que tu en as connaissance, oui. C'est que ces gens-là, quand tu passes ça pour vous-là... Ils me calomnient. Oui. Tu changes de route, non? Comment est-ce que je vais te comporter? Tu changes de route. Mm-hmm. C'est pas ça, hein? Oui. Mm-hmm. Je demande comment te comporter avec ces gens-là. Mais tu continues ta route. C'est ce que je viens de dire. Jésus était dans la fosse. Si vous lisez Jean chapitre 7, à partir du verset 7. Tu ne leur parles plus. Tu ne leur parles plus. Tu ne leur parles plus. Il te parle, tu ne leur parles. C'est ce que je veux dire là maintenant. Donc Jésus, notre Seigneur, est monté au temple, quoi, à la fête, si vous lisez Jean chapitre 7, même ses propres disciples, ses propres frères des croyants parlent. Il a dit, monte à la fête, non, comme tu dis, fils de Dieu, va là-bas, t'attends là-bas. Il a dit que vous montez à la fête. Le monde, vous connaissez, il vous aime, il vous aime. Moi, comme je dénonce ces œuvres-là, après au milieu de la fête, Jésus va monter. Vous savez ce qu'il disait au milieu de la foule? Cet homme-là, il égale la multitude. Jésus a égaré quelqu'un. Vous-même, vous nous dites, Jésus a déjà égaré quelqu'un. Non. Mais dans leur calomnie, c'est les conversations dans la fête. Regarde, le type qu'on appelle Jésus, il égale la multitude. Celui-ci a pris sa base des données où? L'autre dit que non. C'est un professeur, on a dit que l'autre là, que tu examines bien. À Galilée, tu as vu qu'un jour, en Galilée, à Galilée, un professeur de Galilée. Je ne sais pas si vous comprenez. Malgré qu'on a fait, quand on lui posait la question, il répondait. Il répondait toujours à la question. Après un temps, il dit que j'ai fait l'œuvre de mon père, vous m'outragez. Vous m'appelez démon. Il dit qu'il t'a appelé démon. Quand il a parlé quelque chose, il a dit que. Je vais aller là où Jésus, et vous ne voulez pas venir. Il dit, qui crois tu es? Il dit, ce qu'il dit dès le commencement. Il dit, n'avons-nous pas dit vraiment que tu es un samaritain, que tu es un démon? Ils ont fini par sortir par leur bouche. Et ça n'a pas empêché, quand il parle, pose ça à Jésus, Jésus répond. Souvenez-vous, un homme ne vous donne pas l'oxygène. Un homme ne vous donne pas l'oxygène. Donc la respiration, si. Ce n'est pas un homme qui vous donne. D'accord? Et un homme, en réalité, n'a pas le pouvoir de vous l'enlever. C'est Dieu. Donc c'est lui qu'il faut craindre. Alors, c'est pour ça qu'il vous dit, si quelqu'un vous calomnie, priez pour la personne. C'est la solution. D'accord? D'accord? Des questions? Oui. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, oui. Attends que les gens puissent entendre. C'est une question de divinité de Jésus et au-delà. Prenons depuis. Verset 13, personne n'est jamais n'est monté au ciel, oui. Ce n'est celui qui est descendu du ciel, oui. C'est l'homme qui est dans le ciel. Question. Il demande, l'homme ici est mis pour qui? Non, c'est pas l'homme qui est mis là-bas. Regarde ce qu'il écrit. Le fils de l'homme. Tu ne peux pas séparer fils de l'homme, parce que c'est une appellation. C'est fils de l'homme. Maintenant, pose ta question. Tu vois que ta réponse, tu as la réponse, non? Des questions? Tu as des questions, mon cher? Oui. Psaume 126. Oui. Le verset 6. Oui. Le psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses germes. Je me contente. C'est-à-dire que tu as une épi de maïs. Tu as faim. Et deux choses l'une. Soit tu grises, soit tu manges. Tu es en train de me suivre. Regarde-moi bien. Tu as l'épi de maïs. Et à la famille. Tu as deux choses à faire. Soit tu mets ça à terre, ça se multiplie, tu patientes. Ça va te faire pleurer du fait que la semence est partie. Mais quand tu vas voir la multiplication que ça va te donner, tu vas te réjouir, tu ne te souviendras plus de ce qui s'est passé comme mal. Voilà l'explication. Voilà l'exemple. Maintenant, quelle est ta question? Il y a le mot la semence. C'est comme semence de maïs, là, comme j'ai dit tout à l'heure, là, par exemple. Comment, frère? On dit la semence. Ça peut être des arachides. Pour le frère de Nancy, ça peut être le maïs. Pour l'autre, ça peut être le haricot. Si ça part, que tu as un sac d'haricot, tu vois que si il mange le sac d'haricot aussi. Vous avez acheté le riz déjà? Vous avez acheté le riz? Vous avez gardé le riz? Achetez le riz. Finis ta question, là, mais puis parle. Oui, ça va, non? En tout cas, la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire, non? C'est ce que ça veut dire sommairement là-bas pour le moment. Soit tu manges ton maïs, soit tu sèmes. Voilà. S'il n'y a pas de questions, vous me permettez de parler maintenant. Il n'y a plus de questions. Après ça, il ne prendra plus de questions. Oui. S'il n'y a pas de questions, je vais vous poser une question maintenant. Oui. Dans le psaume 68. Psaume 108, oui. Verset 12 dit, le Seigneur dit une parole et les messagers des bonnes nouvelles sont nombreux. Les messagers. Oui, les messagers des bonnes nouvelles, oui. Vous êtes savoir quels sont les messagers. Tu étais aussi, tu étais la semaine dernière. Tu étais ici la semaine dernière. N'est-ce pas de ça dont on a parlé ici la semaine? Voilà, donc pointe-le, pointe-le. Dis qu'il faut venir à l'église. Faut venir à l'église. Donc dis ça, hein, frère. Faut venir à l'assemblée. Ah. Ouais, okay. L'église a dit non, l'assemblée. Bon. Donc l'assemblée maintenant c'est un lieu. L'église n'est pas un lieu, tu parles. Ok, des questions? Donc il faut retrouver la réponse de ça dans la forteresse des pasteurs, d'accord? Des questions, pose toujours des questions. Maintenant, si vous n'avez pas de questions, moi je vous en pose. Mais je vous donne une lecture de la Bible et puis on prend la question. Ouvrez Jérémie. Vous êtes dans le livre du psaume là. Vous allez seulement devant rapidement. Vous allez devant rapidement. Vous allez voir quoi, Proverbe et puis Ecclésiaste, Ésaïe et puis Jérémie. Le chapitre 7. Donc, vous allez lire, vous faites lire, puis je vais vous poser ma question. Chapitre 7. Chapitre 7 de Jérémie. On finit cela, on prend une pause de 2 minutes, puis je vous parle. Verset 21. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Oui. Car je n'ai point parlé avec vos pères. Oui. Et je ne leur ai donné aucun ordre. Oui. Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Oui. Au sujet des holocaustes et des sacrifices. Oui. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Stop. Donc d'après ce qu'on a lu là-bas, Dieu dit clairement qui n'a jamais parlé des offrandes, d'offrir des sacrifices. C'est ce qu'il écrit dans Jérémie. Il veut qu'on me réponde. Qui parlait donc dans Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique, Nombre. Voilà ma question. Donc vous cherchez, fermez les Bibles. On prend une pause et puis on revient. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés.